God of War sur PS4 s'ouvre sur un Kratos qui a laissé tomber le rasoir depuis qu'il a eu un fils et qui taille un tronc d'arbre pour pouvoir s'allumer un feu. Non ! Alors on va découvrir rapidement que c'est pas pour se réchauffer ce feu, mais que c'est pour brûler le corps de sa deuxième femme. Si j'étais les forces de l'ordre, je trouverais ça un peu louche que coup sur coup, ces deux femmes passent l'arme à gauche au grand barbu. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, ici la police. On vous appelle comme quoi il serait question, a fortiori, en l'occurrence, d'un viol envers votre femme. Allô ? Mais salope, t'as appelé les flics ! Alors, excusez-nous monsieur, ne vous fâchez pas, on n'a pas voulu vous vexer. Autant avant Kratos, après avoir perdu sa femme, il serait parti en croisade pour décapiter les gens qui marchent pas assez vite sur le trottoir, autant là, on a l'impression qu'il est devenu maître yogi, car il dit pas un mot de trop. Ce sont de très mauvaises nouvelles. Ce ne sont que des nouvelles, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Sauf que quelqu'un va frapper à la porte et on pourrait penser que c'est la police, mais c'est juste le voisin hipster de Kratos qui vient lui prendre la tête pour une histoire de haie mal taillée. Et comment elle se passe la relation avec les voisins ? Mal hein, par rapport après aux voisins et tout, parce que voilà, ils ne laissent jamais tranquille quoi. On est chez nous et ils viennent regarder chez nous, et qu'ils regardent un peu chez eux, qu'ils aillent s'occuper de chez eux quoi. Après s'être expliqué avec lui, notre barbu et son fils partent pour honorer la dernière volonté de la défunte, disperser ses cendres au point le plus élevé des 9 royaumes. Et vous emportez les cendres, à ce que j'ai cru comprendre. C'est quoi ça ? Eh bien, ça c'est pour l'urne. On n'a pas besoin d'urne, on disperse les cendres. Ils vont rencontrer un serpent géant vachement bavard, mais comme ils comprennent rien aux fourches-langues, ils continuent leur chemin. Mais pas moi, moi j'ai rien compris de votre histoire. Mais il a compris. Mais lui, peut-être il comprend les finesses de la langue. Kratos et son rejeton profitent donc d'un moment de calme pour planter une flèche dans le derche d'un sanglier innocent qui passait par là. Tu es maintenant un sanglier. Manque de peau, c'était le meilleur ami de la vegan du coin, et ils se font sacrément engueuler. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais bouffez-le, votre sanglier, bouffez-le ! Bouffez-le ! En chemin, il décide de se lier d'amitié avec une tête parlante, un genre de Siri de l'époque. Et qui peut répondre à la moindre de tes questions. Pourquoi le fils d'Odin nous pourchasse-t-il ? Bon, d'accord, j'ai peut-être quelques lacunes. Plus tard, le voisin se pointera de nouveau et il a tout raconté à ses neveux qui sont vachement balèzes et qui veulent casser la gueule à nos trois héros. Je vais te péter la gueule. On verra ça. S'en suivra plusieurs révélations. Que la végane est en fait la mère du voisin. Je suis ton père. Qu'Atreus est un dieu et un géant. Mais de quelle tribu êtes-vous ? Et que Kratos est complètement largué.